Chapitre 35e, Confession. Dutilleul avait pris un TGV vers 13h à Montparnasse le vendredi. Il avait calculé qu'il arriverait à Bayonne en début de soirée. Il avait chargé Girardin de venir le récupérer à la gare et de l'emmener sur zone. Malgré la nuit qui serait certainement tombée, il voulait voir le bateau et ainsi avoir ses repères. Il se ferait ouvrir le port au besoin. Il ne souhaitait pas rater Plantier le lendemain. À présent que la confrontation était proche, Dutilleul avait du mal à contenir son excitation, même s'il avait soigneusement préparé sa stratégie d'interrogatoire. Pourtant, quelque chose lui disait qu'il n'en aurait sans doute même pas besoin. Après toutes ces années, l'homme devait être prêt à libérer sa conscience. De toute façon, il ne craignait plus grand-chose et se délester d'un tel poids ne pouvait être que libérateur. À l'extérieur de la voiture, des trombes d'eau se mirent à tomber peu après Paris, et une fois de plus, Dutilleul se maudit de ne jamais avoir un parapluie avec lui. Encore un blocage. Pour se changer les idées, il se replongea une nouvelle fois dans un dossier qu'il connaissait à présent par cœur. Pour sa plus grande satisfaction, la voiture était presque vide, aussi lui fut-il facile de se concentrer. Il parvint facilement à oublier le défilement hypnotique des rails. Le contrôleur de billets le ramena temporairement à la réalité, mais pas longtemps. Il pensa à cette Mathilde, qu'il ne connaîtrait jamais, si Plantier lui apportait les réponses qu'il attendait. Il appellerait Morand dans la foulée. Il pouvait être sûr que celui-ci ne ferait pas traîner les choses. Madame Pradier, après toutes ces années, avait bien le droit au repos, du moins, si elle parvenait un jour à pardonner. Dutilleul avait bien senti, lors de sa visite, combien le chagrin était encore présent. Au moins, maintenant, elle saurait. L'hôtel réservé par Girardin était parfait, en plein centre-ville. Pour une fois, Dutilleul voulait oublier la facture, même s'il ne put s'empêcher de se dire que de toute façon, c'était la basse saison. Il invita Girardin à dîner, et celui-ci se révéla un convive agréable. Il eut le bon goût de ne surtout pas évoquer l'affaire, ce dont Dutilleul lui fut reconnaissant. D'ailleurs, chacun évita soigneusement de parler boutique. Dutilleul s'aperçut soudain qu'il était fatigué et il choisit de se retirer tôt. Il voulait appeler Mado, car il avait envie de sa voix. Il prit un plaisir évident à lui décrire l'hôtel et lui demanda de se libérer le lendemain. Son corps lui manquait déjà. Contrairement à ses craintes de la veille, la journée du samedi s'annonçait belle, même si un pull n'était pas superflu. Heureusement, Dutilleul avait pris la précaution d'en mettre un dans sa valise. Il choisit également de laisser tomber le costume qui ne lui paraissait pas de circonstance. À tout hasard, il avait emporté un pantalon crème qui conviendrait parfaitement pour l'occasion. Il voulait à tout prix ne donner aucun caractère officiel à sa démarche. Pierre Plantier devait être mis à l'aise. Après tout, se dit Dutilleul, il ne devait jamais oublier que lui aussi n'était qu'une victime. Comme à son habitude, le petit déjeuner fut pratiquement inexistant. Le thé n'avait rien de remarquable et il n'avait pas faim. Aussi lui fut-il aisé de prendre rapidement la direction du port. Il avait calculé qu'il ne lui faudrait pas plus de 5 minutes pour aller au bateau. Et effectivement, le trajet ne fut guère plus long, sauf que, à l'intérieur de l'embarcation, on s'affairait déjà, ce qui ravit Dutilleul. Une fois de plus, Girardin ne s'était pas trompé. Dutilleul n'eut qu'à attendre patiemment à côté du bateau. Plantier finirait bien par ressortir, ce qui ne tarda guère. La première réflexion que se fit Dutilleul, c'est que Pierre Plantier n'avait guère changé. Certes, il lui manquait quelques cheveux et le temps l'avait un peu épaissi, mais il y avait toujours chez lui cet air d'éternel étudiant, sans cesse en quête de quelque chose. La seconde réflexion fut qu'il avait l'air doux. Croyant sans doute que Dutilleul admirait son bateau, il avait souri. C'était un de ces sourires sans fierté, presque d'invite à visiter. L'homme n'était visiblement pas un crâneur. Il maniait les cordages avec douceur et habileté, et Dutilleul sentit que la conversation n'allait pas tarder à s'engager. Seulement, il était bien embêté, car il ne connaissait rien au bateau, si ce n'est que celui-ci était vraiment très beau. Il était si perdu dans ses pensées qu'il n'entendit pas au premier abord que l'autre lui avait adressé la parole. « First, de Beneteau, est intéressé ?» Soudain, comme émergeant d'un brouillard très épais, Dutilleul comprit que Plantier s'adressait probablement à lui, mais que les événements ne prenaient pas la bonne direction. Il se devait donc de mettre les choses au point immédiatement. Le mieux était peut-être de simplement se présenter. Cependant, pour que son interlocuteur ne se referme pas comme une huître, il ne devait rien brusquer, sans toutefois jouer au chat et à la souris. Il devait à tout prix se montrer à l'aise et dédramatiser au plus vite la situation, car l'homme ne semblait pas du genre à être de ceux qui commettent beaucoup d'infractions. Dutilleul le savait, il n'était pas d'un abord facile et surtout, il n'était pas dans le confort de son bureau. Aussi choisit-il de se lancer bail que bail. « Monsieur Plantier ?»« Oui, vous l'avez devant vous, mais vu le jour, je crois que vous pouvez m'appeler Pierre. » « Je ne sais pas si je pourrais, car je souhaiterais vous entretenir d'une affaire très délicate, à titre tout à fait officieux, cela va sans dire. « Pardonnez-moi, mais je ne vois pas bien. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, monsieur Plantier. Je suis le commissaire Dutilleul. J'ai repris à mon compte l'affaire Mathilde Pradier. » Pierre Plantier se raidit et changea immédiatement de couleur. Comme l'avait prévu Dutilleul, le coup avait porté. « Après tout ce temps, vous venez m'arrêter ?» « Non, non !» s'empressa de le rassurer Dutilleul. « De toute façon, il y a prescription. Mais je ne vous cacherai pas que j'ai cruellement besoin de vous. Pourquoi ?»« Je sens, je sais, que vous pouvez m'aider. Que voulez-vous dire ? Vous aimez la voile, monsieur le commissaire ?» Dutilleul ne put retenir un sourire. « Pour être franc, je n'y connais pratiquement rien. Ça vous plairait de faire un tour, monsieur le... »« Laissons tomber le commissaire, voulez-vous ?» De toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, je suis là à titre tout à fait officieux, et je n'entends pas être de service un samedi. Si cela peut aussi vous soulager, je pense savoir ce qui s'est passé. Alors pourquoi êtes-vous là? Parce que j'ai besoin de l'entendre de votre propre bouche. J'ai besoin de comprendre, de saisir. Du coup, je ne dédaignerai pas non plus une petite balade sur votre jolie coquille de noix. Là, Pierre Plantier explosa carrément de rire. « Parfait !» pensa Dutilleul. L'homme commençait à se détendre, le contact était établi. « Admettez que c'est tout de même un peu plus ?»« Si vous voulez. J'admets que c'est une grande coquille, très belle, et certainement très bien entretenue. »« Pour cela, oui, alors. »« Vous m'assurez donc qu'elle peut affronter l'élément liquide et salé sans que ma vie ne soit pas un instant exposée. »« Dans les conditions d'aujourd'hui, oui, je peux vous assurer... » qu'on ne devrait rencontrer aucune difficulté si toutefois vous choisissez de m'accompagner. Eh bien, je crois que je vais me laisser tenter. Une question, cependant. Vous n'êtes pas sujet au mal de mer. Pour tout dire, dit sincèrement Dutilleul, je n'en sais rien. Je n'ai guère eu l'occasion de m'aventurer sur ce genre de transport. Alors, dit amicalement Plantier, j'ai peut-être une proposition à vous faire. Je connais une très jolie crique à 2 bonnes heures de mer d'ici. Je vous propose de nous y arrêter. « Je vous dirai alors ce que vous voulez savoir. Ensuite, on pourra s'aventurer un peu plus loin, puis rentrer. Ainsi, ma journée ne sera pas tout à fait perdue. Qu'en pensez-vous »« Faites comme vous en avez l'habitude, mais je crains de ne guère pouvoir participer. »« Ce n'est pas bien grave. Au fait, pour déjeuner, j'ai du pain frais et du saucisson corse. »« En fouillant un peu, je crois même pouvoir dégoter une bouteille de vin. »« Mais je ne peux pas m'engager sur sa qualité. »« Je sais que cela doit vous paraître spartiate. » Mais j'aime naviguer de la sorte. Alors, ça vous tente toujours? Pourquoi pas? Mais peut-être puis-je faire un complément de course? Or, ne vous fatiguez pas. Puis il ne faudrait pas trop tarder à partir, du moins si on veut en profiter à fond, alors c'est d'accord. Bienvenue à bord. Au fait, comment puis-je vous appeler? Simplement Dutilleul. Tout le monde m'appelle Dutilleul. Très bien, mais moi, c'est toujours Pierre. Dutilleul n'aurait pu dire ce qui lui avait plu chez Pierre Plantier, mais il ne devait pas regretter son choix. Celui-ci était visiblement un marin confirmé. De cela, Dutilleul put s'en apercevoir tout de suite quand son hôte se fraya habilement un chemin pour sortir du port et éviter les multiples embarcations en tout genre qui étaient de sortie, elles aussi. Le bateau fut salué plusieurs fois. Visiblement, Plantier était connu. Il n'y avait aucune esbrouffe dans les gestes. L'homme connaissait son affaire et bientôt le bateau sembla filer sans effort. Du Tilleul, quant à lui, tentait de gêner le moins possible. En tout cas, il n'avait absolument pas envie de vomir. L'océan semblait dans un bon jour et le vent était très léger. Bientôt, Pierre Plantier lui fit signe de venir le rejoindre à l'avant. Il avait à cœur de lui montrer certains spots et il est vrai que dans la brume finissante du matin, le spectacle avait de quoi ravir. On dépassa nombre de ports, plus ou moins importants, le bateau filant toujours avec la même aisance. Ce furent 2 heures de plaisir simple qui détendirent du Tilleul. Il se sentait tout à coup de bonne humeur, tout le stress s'étant évacué. Il n'avait ni trop chaud, ni trop froid, il était bien. Enfin, comme un signal convenu entre eux, Pierre Plantier ralentit considérablement l'allure pour jeter l'ancre devant une toute petite crique assez sauvage, visiblement difficile d'accès. De là où il était situé, du Tilleul pouvait sentir l'odeur des pins mêlée à celle de l'iode, et il emplit largement ses poumons. Après la crasse de Paris, c'était appréciable. Jamais il n'oublierait cette sensation de légèreté, et une fois de plus, il remercia silencieusement Girardin. Quand Pierre Plantier se fut assuré que la mare était bonne, il fit signe à du Tilleul de le suivre dans la cabine, et l'homme changea à nouveau de composition. Tout le chagrin sembla lui revenir instantanément. Du Tilleul choisit alors de ne pas tergiverser plus longtemps. Il fallait en finir tout en essayant de commettre le moins de dégâts possible. « Ce sont bien eux, n'est-ce pas ? » demanda-t-il doucement. Pierre Plantier le regarda longuement avant de répondre, comme s'il voulait le jauger avant de se lancer. L'attente dura de longues minutes, puis il sembla se résoudre. « Oui, » répondit-il avec une voix d'une fermeté surprenante. « Quand avez-vous su ?» « Oh, pas tout de suite. Voyez-vous, c'est comme si j'avais obstinément refusé de l'envisager. Pour moi, des enfants, mes enfants. J'ai fait preuve de l'aveuglement le plus complet, croyez-moi, je n'en suis pas fier. J'aurais dû comprendre plus tôt, surtout si l'on considère ma formation. Seulement, cette équation était bien trop difficile, même pour moi. Que voulez-vous quand il s'agit de votre chair ? Il est d'autant moins facile de les accuser. Bien sûr, pour vous, tout cela doit relever du non-sens, avec tout ce que vous voyez. Ne croyez pas ça. Il n'est jamais facile de se dire que des enfants peuvent aussi être des assassins. C'est pour cela que je souhaite en comprendre comment on en est arrivé à une telle aberration. Et moi donc ? Explosa soudain Pierre Plantier. Je ne cesse depuis de me torturer les méninges, pour essayer de comprendre où nous avons fauté, ma femme et moi. Comprenez-moi bien. Nous sommes une famille des plus ordinaires, du moins, je le croyais. Il n'y avait donc eu aucune alarme dans le passé, pas la moindre. À part peut-être que ma mère ne les a jamais aimés. En a-t-elle fait état devant vous ? Pas à l'époque, même si je ne vous le cache pas, j'ai toujours senti une certaine réticence. Mais cela n'allait pas plus loin. Rien ne justifiait le sort réservé à cette fille. Quand avez-vous compris ? Quand j'ai vu le cahier ? L'autodictée ? Vous l'avez vu aussi ? Oui, on m'a communiqué les cahiers. Comment les avez-vous eus ? L'école me les a transmis. Alors vous avez dû tout de suite comprendre. Pas vraiment, mais j'avoue que cela m'a alerté. Alors vous pouvez imaginer ma réaction. C'est comme si, tout à coup, un voile s'était brutalement déchiré devant mes yeux. Il me semblait les voir comme pour la première fois. Qu'avais-je vraiment en face de moi ? 2 enfants très fiers, absolument pas traumatisés par l'événement. Loïc, je m'en souviens parfaitement, s'est même permis de fanfaronner avec tout ce que la chose avait d'indécent, montrant son cahier à qui voulait bien le regarder. C'était son trophée, sa médaille. La profonde révolte de ma mère m'a aidé à revenir sur terre. Même si j'ai tout fait à l'époque pour donner le change, je partageais pleinement son indignation. Seulement, je ne pouvais me dévoiler trop vite. Il me fallait auparavant prendre les précautions que la situation exigeait. J'ai donc donné la pièce, histoire de ne pas attirer prématurément l'attention. Mais vous n'imaginerez jamais combien elle me brûlait les doigts. Je savais parfaitement que c'était mal, que je rétribuais un assassin. Loïc, malgré son jeune âge, a parfaitement saisi tout le piquant de la situation. Je donnais mon approbation à ce qu'ils avaient fait. Réussite sur toute la ligne. À 8 et 9 ans, ils pouvaient légitimement être fiers de leur exploit. Du Tilleul, hélas, ne pouvait qu'en convenir. Pierre Plantier n'en poursuivit pas moins. En revanche, Il ne pouvait savoir que dans l'ombre, j'affûtais mes armes, tout en demeurant exactement le même. Vous ne pouvez imaginer l'effort psychique que cela m'a demandé. Une nuit, j'étais tellement effondré que j'ai failli tout dire à ma mère, tant je n'en pouvais plus. Seulement, je n'ai pas pu. Il me fallait à tout prix préserver ma femme. Comprenez, elle a particulièrement mal encaissé le coup. Il fallait absolument tenir, mais je devais aussi me confier si je ne voulais pas dérailler à mon tour, tant la pression était forte. Alors, dans le plus grand secret, j'ai consulté mon meilleur ami qui m'a indiqué la marche à suivre, puisque j'avais choisi dès le départ de ne pas les dénoncer. Il n'a pas cherché à vous faire revenir sur votre décision ? Bien sûr que si, s'exclama Pierre Plantier. Jean Cartrieux est avant tout un homme de loi. Si je suis demeuré ferme sur le sujet, c'est que je savais que s'il arrivait quelque chose aux enfants, Nadine ne le supporterait pas. Or, je ne pouvais sacrifier si facilement la personne la plus importante de ma vie. Je n'étais pas prêt à faire une croix dessus. Tant pis si le prix à payer était exorbitant. Même si ce sont des monstres, je ne pouvais livrer mes enfants à la justice. C'était au-dessus de mes forces. Ce l'est toujours aujourd'hui. Puis, si j'avais trouvé la force de le faire, que serait-il devenu ? On les aurait sans doute baladés d'institution en institution, mais le problème n'aurait pas été réglé pour autant. Étant scientifique moi-même, je savais très bien qu'il n'y avait pas d'établissement adapté à leur cas. Aussi ai-je préféré les garder à vue. C'était tout de même prendre un sacré risque. Oh, j'en étais parfaitement conscient. Je me suis protégé du mieux que j'ai pu, sans que Nadine n'en sache jamais rien. Ce bateau m'a d'ailleurs sacrément aidé. C'est pour cela que vous le conservez jusqu'à ce jour. Exactement. Là, je ne vois pas en quoi, intervint Dutilleul. Patientez encore un instant et vous allez comprendre. Il me faut tout d'abord vous dire que j'ai acheté ce bateau le 22 avril 1976. C'était un jeudi. Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais comme un gamin. J'allais enfin avoir un bateau tout neuf. Le vendredi d'avant, j'avais obtenu l'offre de prêt de ma banque. Le montant était assez considérable, mais finalement, le dossier a été facilement accepté grâce à mes revenus. Je me rappelle que mon épouse voulait que je baptise le bateau du nom de nos enfants. C'était parfaitement naturel. Tous parents aimants auraient fait la même chose. Seulement, nous n'avons jamais réussi à nous mettre d'accord sur quel nom faire figurer en premier. Nadine était vraiment obstinée. J'en étais très surpris, car cela ne lui ressemblait pas. Bien sûr, nous avions fait part de notre projet aux enfants, mais je dois bien dire qu'ils étaient loin de partager mon enthousiasme, ce qui m'a beaucoup blessé. C'est sans doute ridicule, mais j'aurais aimé qu'ils partagent ma joie. Visiblement, j'en demandais trop. En dernier ressort, c'est ma mère qui finit par trancher la question en proposant une sorte de challenge. Celui des deux enfants qui aurait le mieux travaillé verrait son nom apposé le premier. Contrairement à ce que je redoutais, Nadine approuva immédiatement cette idée et ajouta que la décision serait prise quand tomberait le prochain carnet. Bien mal nous en prit, car à l'étude des cahiers on s'aperçut que les enfants n'avaient tout simplement rien fichu. Heureusement, comme la fin d'année approchait, il n'y eut aucune conséquence, mais je sais que Nadine en a été très déçue. Du coup, c'est elle qui choisit d'appeler le bateau le Goéland, et nous allâmes tous deux faire un tour en mer pour marquer l'événement. Une voisine vint garder les enfants. Pour ma femme, qui n'aime pas l'eau, c'était franchement un effort méritoire. Nous sommes ensuite allés fêter l'événement à l'auberge de la Vieille Fontaine. Je crois me souvenir que Mathilde Pradier assurait le service ce jour-là, mais j'avoue à ma grande honte n'avoir guère fait attention à elle. Je voulais être tout entier à Nadine. Je me rappelle encore lui avoir vanté les qualités de maniabilité du bateau. Elle m'écoutait patiemment, cherchant avant tout à me faire plaisir. Quand elle sentait l'intérêt fléchir, elle n'hésitait pas à relancer la conversation. Elle savait combien j'étais heureux. Même si je dois bien le reconnaître, je devais plus ressembler à un gamin qu'à autre chose. Nadine a toujours été ainsi, douce et attentionnée, ne me critiquant que très rarement. C'est elle qui a insisté pour que j'achète le bateau. Elle disait que je l'avais bien mérité. Il est vrai que je bossais déjà comme un dingue à l'époque.